L'actualité à Nancy et ailleurs. Et si vous faisiez une pause, jeu à la MJC de Saint-Nicolas-de-Port, c'est en effet ce que vous propose l'équipe de la MJC, ce sera le samedi 21 mai. Catherine Froment, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de communication donc pour la MJC de Saint-Nicolas-de-Port. Alors dites-nous comment ça va se passer cette pause jeu samedi prochain. On accueille toute la famille, des tout-petits, des 3 ans, jusqu'aux ados et aux adultes et aux grands-parents, toute l'après-midi à la MJC de 14h à 18h. Toutes les salles de la Villa Malraux, la MJC, ouvrent leurs portes en proposant des jeux divers et variés, mais également le très grand parc de la MJC qui propose des jeux en bois. Pour toute la famille, à partir de 14h, quel genre de jeux célèbres on va pouvoir retrouver, notamment pour petits et grands ? Il y aura tout un panel de jeux de société, et du coup, pas forcément les plus célèbres, ça permet aussi de découvrir d'autres jeux. Il y aura 2 salles spécialement dédiées aux 3-5 ans, et également une nouveauté, c'est une salle pour les 3-5 ans jouer en anglais, c'est-à-dire c'est des jeux tout autour de l'anglais pour apprendre les premiers rudiments de la langue en chantant. Également pour les ados, les adultes, une salle de découverte du wargame qui est un jeu à la fois de stratégie mais aussi où on construit à la fois ses pions et son décor. Il y aura également un atelier pour construire son propre pion dans une matière durcissante, donc les enfants vont pouvoir à l'arrivée construire leur pion et aller de jeu en jeu avec le pion qu'ils ont fait. Et puis en extérieur, des jeux pour toute la famille avec des grands jeux en bois d'adresse. Donc ça, ce sera tout l'après-midi. D'où viennent tous ces jeux ? Cette année, c'est un mélange de jeux qui appartiennent en propre à la MJC, de nos accueils de loisirs, de nos projets chantiers loisirs jeunes. Et puis, c'est également des jeux que les bénévoles de la MJC nous prêtent. C'est-à-dire qu'on a toute une équipe de bénévoles qui viennent être maîtres du jeu sur la journée et certains prêtent leurs jeux. Les grands jeux en bois sont des constructions d'un bénévole, ancien président de la MJC, qui amène ces jeux. Et puis, la salle de wargame, c'est les jeux de l'activité régulière club jeu de la MJC. Et c'est pas la première fois que vous proposez un temps de jeu comme ça pour tout le monde ? Non, c'est une animation qui existe depuis 2015 qui avait été créée pour les 50 ans de la MJC. Bon, malheureusement, avec la crise sanitaire, elle n'avait pas pu avoir lieu depuis 2019. Mais voilà, on est bien content de pouvoir réaccueillir tout le monde et de rouvrir les portes de la MJC ce samedi. Voilà, donc c'est ce samedi, comme vous le dites. C'est à partir de 14h et l'entrée est libre. L'entrée est libre et il y aura une petite buvette qui proposera des gâteaux faits maison et des boissons, de quoi faire goûter les enfants à 4h, de pouvoir s'installer dans l'herbe, au frais, dans le parc de la MJC pour faire goûter les enfants. Voilà, de quoi se rafraîchir aussi en cas de chaleur. Pour aller plus loin que ce samedi prochain, on approche doucement de la fin de la saison. Qu'est-ce qui nous attend encore à la MJC d'ici les semaines à venir ? Alors, mercredi 22 juin, la fête de la musique. On est d'ailleurs toujours à la recherche de groupes. On a encore 3 emplacements s'il y a des groupes de Portois ou d'extérieur qui veulent venir partager leur musique avec nos visiteurs. Et on prépare une surprise, une petite nouveauté pour cette fête de la musique. Comme on la fera un mercredi, on va préparer une surprise pour les enfants dans l'après-midi. Voilà, on n'en dit pas plus pour l'instant. Voilà. Faudra être là et vous suivre éventuellement sur les réseaux sociaux. Vous avez dit donc qu'il y a 3 places disponibles, 3 groupes locaux. Oui, on recherche encore 3 groupes de musiciens amateurs, voilà, qui peuvent, pareil, ça se passe dans le parc de la MJC, donc on a quand même la chance, c'est un grand parc arboré, c'est une ambiance toujours très sympathique, la fête de la musique, surtout avec les chaleurs qui s'annoncent. Effectivement, alors si des groupes nous entendent, comment on fait pour vous contacter ? Eh bien, on nous appelle au 03 83 48 56 76 ou on envoie un mail à la MJC, mjcstnicolas@orange.fr. Donc voilà pour la fête de la musique, mais avant cela, bien sûr, il y a la pause de jeu samedi prochain à partir de 14h. On vous souhaite le soleil et plein de monde ? Eh bien, tout à fait. Merci beaucoup, Catherine Froment. C'est moi. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.